J'ai ou la dédicace. Danka s'arrête devant la librairie. Lila descend, puis m'aide à sortir de la voiture. C'est étrange, car mes béquilles à leur tour semblent avoir été prises d'élasticité. Étant donné le côté meuble du trottoir, la pesanteur a l'air d'enfin se détendre. Prenant ses aises pour abandonner sa rigidité légendaire, et je chemine agréablement tandis que nous nous dirigeons vers la librairie. Quand nous en ouvrons la porte vitrée, un homme moustachu avec un grand chapeau mou me regarde dans une sorte de halo. Je baisse la tête, il m'imite. Je ferme un œil, il fait la même chose. Je crois que cet individu se moque de moi. Lila me chuchote. « Miloš, tu lâches cette porte, tu arrêtes de faire l'idiot et tu entres. Les gens nous regardent. » En effet, lorsque je pénètre dans la librairie, quelques personnes dans la file d'attente, désœuvrées, se sont tournées dans ma direction. Quand nos regards se rencontrent, les têtes se détournent. J'ai un choc. Tant de monde ? Il y a au moins 50 échantillons masculins et féminins de la société humaine qui attendent là un livre à la main. Je constate que je fais considérablement baisser la moyenne d'âge au milieu de ces cheveux blancs à lunettes, tout en notant qu'ici, au moins, il y a un peu plus d'homogénéité dans le style. J'ai l'impression qu'on me regarde à la dérobée. En me repeignant machinalement à la recherche d'un éventuel épi rebelle déclencheur de curiosité, mes doigts tombent sur un objet en tissu, un peu ferme. Je devine la forme en tâtonnant. Un chapeau ? Ah oui. Tiens, Lila est venue aussi. Je lui fais part de ma surprise. Elle est marrante, ma Lila. J'ai l'impression étrange d'un amortissement de ma personne physique et morale. Lila me soutient un peu par le bras et me susurre sous le chapeau. « Tu as vu qu'il y a là-bas ?» Lentement, je tourne la tête dans la direction que m'indiquent son menton et ses yeux. À la fin de ma rotation floue, j'effectue la mise au point au travers de mes verres neutres sur la personne vers laquelle semble converger la file des littéraires. « Quoi ? C'est lui ? C'est lui ! » Je sens le rouge affluer à mes joues. Mes organes pâlissent. Les couleurs et les émotions font des allers-retours désordonnés, tandis que je me persuade que ce n'est pas vrai, que ça ne peut pas être possible, que ça n'existe pas tout ça, qu'il doit s'agir d'un sosie. Pourtant non, c'est bien lui. Je connais parfaitement son visage par les monceaux d'articles de journal empilés dans mon tiroir. Il n'y a aucun doute. G est là. Le stylo à la main, la tête légèrement penchée, les pupilles levées vers son fidèle lecteur quand il referme le livre enrichi de la précieuse dédicace, le petit sourire en rien modeste lorsqu'il tend l'offrande à l'admirateur. Les lectrices sont là aussi, plus nombreuses, et dans leur conversation minaudante, elles ne se regardent pas tout à fait dans les yeux, attirées par l'aura que dégage la célébrité, le talent, le charme. Car G est un bel homme, au passé riche, à la vie bien remplie, et son regard transparent, intelligent autant que disponible, éclaire le visage buriné de celui qui a tout vécu, mais qui n'a pas l'intention de s'arrêter là. Il en impose, sans effort de sa part. Lila, d'ailleurs, comme pour confirmer mes observations, me souffle en me soutenant. « C'est un bel homme. »« Oh, tu sais, j'ai du mal à voir la beauté des mâles. Il est peut-être pas mal, oui. » lui réponds-je avec un camion de mauvaise foi derrière ma moustache. Pfff ! Se moque Lila, qui a vu clair dans mon jeu. Dans l'attente, mon regard circule librement dans la librairie, baigné d'un brouillard clair. Les tables sont jonchées de romans empilés, les étagères surchargées, une bonne odeur de papier neuf embaume la pièce. Je me sens bien ici, comme dans un rêve doux. Je suis l'empereur des livres, ma vie est un roman, je suis maître de mon destin. Je peux sauter des pages de mon existence à tout moment, revenir au début, revivre jusqu'à l'écœurement des épisodes qui m'ont exalté. Je suis en mesure de brûler des chapitres entiers de mon passage sur terre avant de les disperser dans la nature, oubliés pour toujours. Je peux changer de livre aussi, sans attache, me battre pour les joyaux de la reine le soir, me jeter dans les chutes du Niagara la nuit, assassiner la famille Holcomb le lendemain, vivre dans une ferme en Amérique du Sud avec mon jumeau le midi, ou dans une cabane en Sibérie, faire la sieste avec un lion, dîner avec un python, et je peux même me permettre, pour me divertir au coucher, de n'être que moi. La troisième dimension ne m'intéresse que pour mes marbres. Ailleurs, elle m'encombre. En deux dimensions, je peux me glisser entre toutes les pages que je souhaite, me rendre invisible de profil, vivre mes vies de papier sans me faire voir, ni déranger personne. Mais voilà, sur un pied et deux béquilles, j'enfonce le sol. Je suis un être de chair dépendant de l'eau, de la nourriture, obligé d'assouvir ses besoins naturels, d'avaler de l'oxygène, de rejeter du gaz carbonique et d'adopter parfois un minimum de vie sociale. La pesanteur. Toujours la pesanteur. J'ai beau tenter, par tous les moyens, d'absorber ce qui me colle au sol, je n'ai jamais réussi qu'à me soulever faiblement, en de trop rares occasions. Je m'appesantis sans répit. Et là, je tangue. Je me tourne vers la voix de Lila. « Ouvre les yeux, Miloche. Ça va être à nous. » En effet, seul un couple et une femme célibataire en adoration nous séparent à présent de G. Je peux l'observer de tout près. Sa tête penchée en avant me présente, au centre de la forêt foisonnante de cheveux, les clairières de peau rose d'une calvitie naissante. « G n'est qu'un homme, constatai-je, mi rassuré, mi déçu. » Bientôt, par un coup de baguette magique, les trois personnes devant nous se sont évaporées. Je suis en face de G, au-dessus de lui, pour tout dire. Il me regarde dans les yeux en articulant d'une voix de basse un « bonjour », auquel je ne réponds pas, puisqu'il ne me parle pas à moi. Pourquoi m'adresserait-il la parole ? Nous nous fixons. Il prend l'air interloqué, un peu amusé aussi, puis regarde Lila que je considère à mon tour. Silence. Il ne manque que l'harmonica d'Ennio Morricone. Ne me prenons pas pour un ignare du 7e art, je suis déjà allé au cinéma, il y a longtemps, très longtemps. Nouveau silence. Bruit de pas rapide. Je me retourne au ralenti pour voir Danka qui arrive en accéléré, tout essoufflé. « Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi !»« Excusez-moi, » dit-elle. « J'ai eu un mal fou à trouver une place. Bonjour, monsieur G. »« Bonjour, » lui répond G. « Tiens, Danka, tu es là, toi aussi ?»« Tais-toi, Miloche !» me siffle Lila à voix basse. Danka me tend un des deux livres qu'elle tient à la main. Un bref instant plus tard, sur le conseil de Lila, je propose le roman à G, qu'il accueille avec gratitude, comme soulagé, avant de l'ouvrir à la première page. « Vous vous appelez comment ?» me demande-t-il avec douceur, un sourire aux lèvres. « Moi ?»« Oui, vous. Comment vous appelez-vous ? Votre prénom ?»« Miloche, » me coupe d'autorité Lila, avec un « e » à la fin. « Miloche, c'est joli comme prénom. » commente G. Je m'envole. G trouve mon prénom joli. Il griffonne quelques mots sur le livre, esquissant même un rapide croquis, puis il ferme le roman qu'il me tend avec un nouveau sourire. « Merci, Miloche. Bonne lecture. »« Lila me tire fermement par le bras. Je finis ma courte réplique tandis qu'elle me pousse encore un peu à l'écart de la foule, le plus discrètement possible. Quand elle remarque que je sautille à cloche-pied, elle m'assied de force sur un tabouret rond recouvert d'un morceau de caoutchouc et de traces de chaussures. J'ai le tout dernier livre de G, dédicacé de sa main à lui, posé sur mon cœur à moi, serré contre ma propre poitrine. Je ne suis plus de ce monde. Ma troisième dimension vient de m'échapper pour de bon. Je n'ai plus désormais de volume. Jamais plus je ne ressentirai de bas besoins terrestres. Enciez-les-moi vivant. Recouvrez-moi d'atmosphère. Ma vie sautement temporelle s'achève ici. Le bourdonnement des lieux accompagne une foule d'ectoplasmes qui se meuvent au hasard. Il semble que certaines de ces formes, pourvues de visage, aient dirigé leur attention vers ma petite personne. On me regarde. Un sursaut de conscience me fait voir mon être de l'extérieur. Mon corps, à moitié affalé sur une table, a fait dégringoler une pile de livres. Mon bras, plié, étreignant une œuvre divine de papier. Mon visage, aux lunettes de travers, à la moustache qui se décolle, aux prunelles fixées sur les néons, à la bouche ouverte de béatitude, au conduit auditif obturé de coton. Le reste n'est que décoration, fioriture, tralala. Je m'assoupis tendrement. Lève-toi, Miloche, on y va, me dit quelqu'un en me prenant par le bras. C'est Lila. Bonjour, Lila, tu vas bien, mon cœur? Lève-toi, bon sang, aide-moi un peu, tout le monde nous regarde. Et arrête de hurler, s'il te plaît. Je parviens miraculeusement à mobiliser quelques muscles pour obéir aux ordres de la belle qui me tapote fermement la moustache. Nous réussissons, après quelque temps, à me mettre debout. Danka me tend les béquilles, repositionne le chapeau sur ma tête, ramasse le tas de livres qui a glissé à terre. Elle les range avec application. Alors, pour la taquiner, je refais tomber une pile en gloussant. J'ai raté mon effet. Elle a l'air furieuse. « Bon, maintenant tu me suis !» me cingle Lila. Nous nous dirigeons vers la sortie. « Je vous prie de nous excuser !» lance Lila à la cantonade. « Il est très sujet aux étourdissements. Il fait de l'hypoglycémie !» Une voix lui répond quelque part dans le mur. Lila semble l'entendre car elle enchaîne par « Non, merci, il a l'habitude. Il se reposera à la maison. Au revoir, messieurs, dames !» Nous sortons au grand air. Chaque particule de frais vient me réveiller le visage. C'est agréable comme sensation. La suite est assez vague. Je sais que je me retrouve affalé sur la banquette arrière, qu'on ne cesse de me crier dessus dans un premier temps. Après un grand silence, le reste du voyage n'est qu'un fou rire interminable entre les deux amis. Puis, les rideaux se ferment doucement. Ils sont faits d'une étoffe occultante, soyeuse et opaque. Quand j'ouvre les yeux, il fait sombre. Je suis couché sur mon lit, j'ai un peu froid. Ma poitrine me fait souffrir, ainsi que mon bras droit, épaule, biceps, coude, main droite qui presse quelque chose. Tout me semble de pierre, insensible et pourtant douloureux. Je desserre lentement mon étreinte, par étapes, puis je découvre un livre. Le roman de G, je me souviens. Après avoir déposé le livre sur ma table de nuit avec mille précautions, je me déshabille comme je peux et j'enfouis mon corps sous le tas de couvertures. Que c'est bon le contact du drap sur la peau, la sensation de ce frais qui va peu à peu disparaître pour laisser place à la douceur. Je me recroqueville un peu, j'essaie de ne pas penser à mon bras dangereusement ankylosé, je referme les yeux et je pense à Lila. Je me replonge alors avec délice dans les joies du sommeil. Les vapeurs de la nuit me recouvrent bientôt tout à fait.